terrain se font les dents. Pendant que les anciens ont fait leur temps, le bon vieux n'a des contacts jusqu'à Breda. 212, je suis dans la connexion, bon vieux, je suis dans tous les réseaux. Ça m'écoute en haïssant de partout, ça me dit dans tes sons, on se ressent et tu représentes. J'ai le seum d'un isolé, la patience d'un prisonnier. Comprends pourquoi dans ma tête y'a le mec tranquille, le mec sonné, y'a le cœur et la raison. Et puis bah, je suis pas les autres, et puis mon cœur est que pour celle qui m'a donné le sein. J'ai vécu seul des années, et j'ai acquis faux s'allier comme des masques et le sourire des gros hypocrites et de leur CLM. Y'a que les sommes qui nous résonnent, bon vieux, faut brasser. Le terrain sous commission, mes marches arrière cassées. Et si ça tourne pas assez, bah rajoute lassé, ils ont coincé le boss. Ce Red Dem remplacé. C'est un peu agité dans le coin, hein, cousin? Je vais pas te mentir, ça s'est agité, ouais. Les keufs, ils arrivent. Deux keufs en bagnole, faites gaffe. Tout Paname dans le daily. Je refais la compta de la veille. Le bon chari paye. Yankee vape. Rapta, je fais tout le tour de Paris. On augmente le PIP. Trafic prohibé. Pas de showcase, on m'écoute là où ça débite. Et le bon chari paye. Yankee vape. Rapta, j'fais tout le tour de Paris. Rapta, j'fais tout le tour de Paris. Sur moi qui j'tac et m'embellis. Clé, oui, j'rentre qu'après les horaires qui puent le bélier. Mais j'dois faire mon empire avant que j'périsse. La rue, j'ai des blessures et le brassard. Ne nous compare pas aux autres, n'en vois pas à ça. La seule chose en commun, c'est qu'on est que de passage. Toi, tu nous fais le gros poisson, mais t'es qu'un poisson. J'suis dans sous présidentiel, accompagné de gros zézel à amé. Et demain, j'me rappellerai plus ce qui serait passé. Par contre, j'oublie pas la descente et que j'ai un boss et rangé avec un Khatem pour remplacer. J'ai délaissé la cagoule, j'bosse la Beida. De la selle à Breda, Alger d'Arbeida. De Paris à Marseille, la Hagra ça paye pas. Le tampon c'est la BP, fournisseur comme Pays-Bas. Le bon vieux. Tout Paname dans le daily. J'refais la compta de la veille. Le bon chari paye. Yoke li vape. Rapta, j'fais tout le tour de Paris. Tout Paname dans le daily. J'refais la compta de la veille, le bon chari paye. Yankee vape, rapta, j'fais tout le tour de Paris. On augmente le PIP, trafic prohibé. Pas de showcase, on m'écoute là où ça débite. Et le bon chari paye. Yankee vape, rapta, j'fais tout le tour de Paris. Tout Paname dans le délit. Le bon chari paye.